Chapitre 14, page 107, exercice 5. 1. Les deux femmes sont collègues, mais comme elles se détestent, elles ne s'adressent plus la parole. 2. Je sens beaucoup de tension dans l'équipe. Mon chef qui appréciait Nicole ne peut plus la supporter. Ça va mal tourner. 3. Je ne voudrais pas parler des sujets qui fâchent. Il y a suffisamment de difficultés en ce moment dans l'équipe. 4. Pendant la réunion, Léon et Thomas se sont disputés. On sentait que Thomas prenait sa revanche en critiquant Léon.